Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un séminaire bien particulier. Entre espoir et crainte, 6 employés de la société Gegen montent à Paris pour participer à un séminaire de motivation. Parmi eux, Hervé, délégué syndical, et Jean-Claude, le roi de la vente. Pour ce dernier, le séjour dans la capitale est l'occasion inespérée de reconquérir sa femme. Quant à Hervé, il voit tout de suite en l'assistante de leur coach une candidate à l'écart conjugal. Jean-Claude Convenant, commercial s'il en est. Ce que j'attends de ce séminaire, me confronter à tout ce qui est nouveautés techniques. Hein. Et qui plus outre, prendre un essor en termes de mieux. Bienvenue à Paris. C'est parce que vous occupez les postes clés de votre entreprise que vous avez été sélectionné pour ces 3 jours de team building intensif. Hé, hey, on est à Paname ? Hervé Dumont, délégué syndical. Moi, ce que j'attends de ce séminaire, c'est qu'on renoue avec des valeurs comme la solidarité, le partage, l'écoute. Stop ! On est là pour apprendre à communiquer. C'est quoi ça, Jean-Claude ? Ah bah ça, c'est un emballage de morteau. Montrez-moi un peu ce que vous avez dans le ventre. T'as oublié ? T'as rendez-vous avec ta femme à 6h. Non, y'a pas vu une belle brune ? Aïdé ! T'avais pas rencard ? Tu sais pas où elle habite ? Sale con ! Mais Véro, mais c'est du passé tout ça. On a tous droit à une deuxième chance, Véro ! Le séminaire ! Toute la joyeuse équipe de Caméra Café, Bruno Solo, Yvan Le Bolloc, réunis dans ce DVD TF1 Vidéo.